tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour, c'était 1967. Pourquoi 1967 ? Une année qui mériterait, plus que d'autres, la célébration de son cinquantenaire. On aurait pu attendre l'an prochain, une année en 8, une année de cinquantenaire, elle aussi, mais par définition, toutes les années peuvent prétendre à l'évocation de leur demi-siècle. Soyons encore plus directs, si l'on avait patienté quelques mois, n'eût-ce pas été pour évoquer, voire invoquer, un millésime fameux, et ce dans le monde entier, 1968. Eh bien, pour notre part, mais cela n'exclut pas bien entendu d'autres célébrations à venir sur l'antenne, nous n'entendrons dans cette série d'été que des émissions ou des extraits d'émissions diffusées sur France Culture en 1967. Ce n'est pas parce que l'expression « 67 art » n'existe pas qu'il faut ignorer ces 12 mois. Notons enfin qu'en 1967, et ce jusqu'à la toute fin de l'année, on ne savait rien de 1968, même au plus haut sommet de l'État, ainsi qu'en témoigne cette émission, l'une des dernières diffusées sur France Culture et sur toutes les radios et télévisions de l'ORTF, à 20h précise, le 31 décembre. Le général de Gaulle, président de la République, présente ses vœux aux Français et aux Françaises. Françaises, Français, de tout mon cœur, je souhaite une bonne année à la France. Par là même, mes vœux vont à chacune et à chacun de vous, car quand la France est malheureuse, il n'y a pas de bonheur pour des Français dignes de ce nom. Mais quand la France réussit, tous ses enfants voient grandir leurs chances. Oui, tous, c'est-à-dire ceux de notre métropole, ceux de nos départements et territoires d'outre-mer, ceux qui vivent à l'étranger, et enfin, cas très émouvant et qui nous est d'autant plus cher, ceux de la nation française au Canada. Nos meilleurs souhaits, d'autre part, à tous les peuples de la terre, où la France, d'à présent, ne se connaît pas d'ennemis. Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois l'existence de notre pays. Bien entendu, tous les intérêts, toutes les tendances, tous les désirs ne seront pas comblés l'année prochaine. Il est sûr que nous subirons diverses épreuves, déceptions et lacunes. Je ne doute pas que de multiples griefs, regrets et critiques auront de quoi s'alimenter. Les vers de Verlaine, mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille, peuvent évoquer une paisible demeure, non pas un grand peuple en marche. Je crois cependant qu'au total, à moins de graves secousses qui bouleverserait l'univers, notre situation continuera de progresser et que tout le monde y trouvera son compte. Dans l'ordre politique, nos institutions seront appliquées. On ne voit donc pas comment nous pourrions être paralysés par des crises telles que celles qui nous ont jadis fait tant souffrir. Au contraire, on peut espérer que l'ardeur du renouveau faisant son chemin et ses promoteurs, surtout les jeunes, faisant leur œuvre, notre République trouvera des concours de plus en plus actifs et étendus. De toute façon, au milieu de tant de peuples secoués par tant de saccades, le nôtre continuera de donner l'exemple de l'efficacité dans la conduite de ses affaires. Dans le domaine économique et social, si l'immense transformation qu'accomplit la nation française doit comporter forcément pour elle, de janvier jusqu'à décembre, des efforts et des difficultés, c'est tout de même avec espoir qu'en son nom, je salue l'année 1968. Le 31 décembre 1967, à 20h, le général de Gaulle, lui-même président de la République française, lors de ses vœux à la nation, reconnaissait qu'il ignorait de quoi serait faite l'année 1968. Restons donc bien au chaud et bien au calme en 1967. Au calme, voire. C'était 1967. Malgré tout, pourrait-on, après avoir entendu le général de Gaulle, citer Victor Hugo ? Ce siècle avait 2 ans. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, et nous risquer à cette hypothèse, nous étions en 1967, l'année 1968 perçait-elle sous 1967. En 1967, tout en Camon s'expose au Petit Palais à Paris, le Torrey Canyon s'échoue et déclenche la première grande marée noire. La guerre du Biafra commence, le général de Gaulle salue sur place le Québec libre, Brel arrête le tour de chant, son dernier récital a lieu à Roubaix. Les colonels grecs réussissent leur coup d'État, les Américains bombardent le Vietnam, les gardes rouges font régner leur loi en Chine. Une guerre israélo-arabe est déclenchée qui durera 6 jours. Le Tché est mort, vive le Tché! La Grande-Bretagne espère intégrer le marché commun, les chansons françaises et anglo-saxonnes rythment la vie des Françaises et des Français. Celle des jeunes surtout. Quand on est jeune, on est différent. Peu importe en quoi, on vit toujours en famille, mais on s'époumonne avec les yéyés. Peut-être a-t-on été blouson noir ou jeune voyou, ces voyous que l'on imagine, à leur écoute, fort civil, en veste et cravate. On apprécie la société de consommation, on la dénigrera plus tard, mais on n'attendra pas l'année suivante pour se révolter. On se plaint, mollement ou avec vigueur, dans le cadre de sa famille ou légèrement en dehors de sa famille. Aujourd'hui et demain, c'est en famille, famille, je vous observe, que l'on commencera cette immersion dans l'année 1967. Ne serait-ce que parce que l'un des succès discographiques de l'année consistait en une succession de scénettes joyeuses et insouciantes. Fut-il jamais diffusé sur France Culture, ce tube ? Pas sûr. Il est grand temps, avant de passer aux choses sérieuses, de réparer cette injustice. L'autre soir, nous avions décidé nous payer une petite sortie dehors. Je ne sais pas qui en a eu l'idée, mais tout le monde était tout de suite d'accord. Sans prévenir, grand-père est arrivé et il n'aime que la télévision. Mais comme il faut tout lui expliquer, on est tous restés à la maison. La famille parmi les petits soucis quotidiens, mais pourtant c'est une vie qu'on aime bien. Ça fait partie des petits soucis. Et pourtant c'est une vie qu'on aime bien. La famille, ça fait partie des petits soucis quotidiens. Et pourtant c'est une vie qu'on aime bien. La famille, ça fait partie des petits soucis quotidiens. Et pourtant c'est une vie qu'on aime bien. La famille, ça fait partie des petits soucis quotidiens. Et pourtant c'est une vie qu'on aime bien. La famille, ça fait partie des petits soucis quotidiens. La famille, grand succès de Sheila au cours de l'année 1967. La famille, objet d'étude la même année sur France Culture. La France s'ennuie, écrira Pierre Vianson-Ponté quelques mois plus tard. La famille en question est choisie parce qu'elle est une famille où il ne se passe rien, nous dit-on. Nous sommes le 21 février 1967 sur France Culture. Colette Gary, Garold Portnoy et Robert Valette présentent Recherche de notre temps. Recherche de notre temps. Aujourd'hui, le cercle de famille, par Harold Portnoy. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. Soit que juin est verdi. Lorsque l'enfant grandit, le cercle de famille, je ne sais pas s'il continue d'applaudir. Je me garderai même d'émettre la moindre opinion à ce sujet. Ce que je peux faire, c'est écouter les membres d'une famille. C'est fixer par exemple sur la bande magnétique et successivement les propos du grand-père, du père, du fils, de la mère et de la fille. Nous avons ainsi obtenu une certaine image sonore, à un certain instant, d'une famille particulière. Et pour mélanger les genres, nous avons incorporé au moment du montage radiophonique des voix étrangères, celle de Blouson Noir, celle également d'une comédienne lisant fragment par fragment un poème très connu de Victor Hugo. Rencontre fortuite, bien sûr, née du désir de ne pas limiter ses propos à une histoire singulière. Soulignons enfin le seul critère que nous nous étions fixés, choisir une famille où il ne se passe rien. Monsieur, quel âge avez-vous ? 80, pensez. Vous dites ça sur un ton. Ah, mais vous semblez en forme, vous êtes en forme. Très. Très, très bien. Ça sent. Et ça me fait rire lorsque j'entends les jeunes gens qui font du sport. Laissez-moi rire. Je leur dis des fois, mais vous vous figurez que vous avez tout fait et vous ferez tout. Et vous ne faites pas grand-chose. Bon, Patrick. Qui est Patrick ? C'est le petit-fils. Le petit-fils. Le petit-fils qui a quel âge ? Qui a 23 ans. Bon, il fait des sports, il fait des sports. En amateur, on fait une partie de rugby, on fait une partie de foot de son école en compétition avec d'autres écoles analogues. Mais au fond, c'est plutôt une amusette, un amusement, que du sport. Je leur dis, mais des fois, foutez-moi la paix. Moi, il y a 18 ans, j'étais breveté de prévôt d'armes. J'étais moniteur de gymnastique. À 20 ans, j'étais capitaine d'une équipe de rugby champion de France, de Bourgogne et Franche-Comté. Ben, je dis, j'appelle ça faire du sport. Ben, actuellement encore, je suis libre. J'aide mes enfants autant que je le peux. Je viens passer ici simplement l'hiver. L'été, je vais à la campagne chez moi. Eh bien, je fais mes 4-5 km tous les jours. Si ce n'est pas le matin, c'est l'après-midi, lorsque j'ai le temps. Et je m'en trouve très bien. Je fais encore un peu de gymnastique le matin, aussitôt levé, pour rester en forme. Car autrement, eh bien, on a des difficultés à marcher, on a des difficultés à descendre les escaliers. Et j'ai toujours eu peur de me casser la figure dans un escalier. C'est normal. Les membres sont moins souples. Bien entendu, un grand-père qui a été élevé à la dure, n'est-ce pas, qui a fait toute la guerre 14-18, eh bien, c'est pas facile de s'entendre avec des petits-enfants qui sont dorlotés de trop, beaucoup de trop, qui sont gâtés, mais pleinement. J'ai dit un jour au père qui est ici, mais je dis, Roger, vos enfants vous maudiront peut-être un jour parce que vous n'êtes pas assez sévère avec eux. Ouais, j'étais jeune aussi et je me rends compte que, malgré tout, les enfants que nous avons là sont pas exceptionnels. Et si vraiment ils avaient mal tourné, je crois que j'aurais agi plus que je ne le fais. Je pense que, malgré tout, ils sont pas quand même... ils sont dans la bonne voie, tous les deux. Malgré que la fille est un petit peu en retard dans ses études. Ils pensent à s'amuser pour un moment, et puis, malgré tout, ils continuent leurs études, et je crois que dans l'ensemble, ils arriveront... Enfin, la fille, c'est pas encore trop ce qu'elle veut. Vous verrez tout à l'heure quand vous la questionnerez. Enfin, le garçon, il a appris... Et quand on a perdu, il y a environ 7 ans, je sais pas si vous le savez, là. Attendez, en 59, le 28 décembre, il y a eu un accident dans la famille, là, à Val d'Isère. On a perdu 3 neveux et nièces dans une avalanche. Et mes enfants étaient dedans. Alors tous les deux, ils en ont échappé. Et c'est un peu un miracle. Et mon beau-frère, c'est-à-dire le mari de la jumelle de ma femme, là, il est ingénieur géomètre, et il a un gros cabinet à Poitiers. Alors à ce moment-là, j'ai poussé mon fils plutôt à faire ce métier d'ingénieur géomètre. Pourquoi ? Pour pouvoir, à la rigueur, je me suis dit, tiens, il est assez costaud de santé et tout. Et j'ai pensé, parce qu'à un moment, on avait pensé le faire pousser ses études en ingénieur chimiste, parce qu'il était très bon en chimie. Et puis, je me suis rendu compte que c'est un métier qui lui aurait peut-être pas plu énormément, parce que c'est plutôt malsain. Et lui, il aime plutôt la vie au grand air et tout. Il est sportif. Alors j'ai pensé qu'en suivant des études d'ingénieur géomètre, ça correspondrait mieux un peu à son tempérament. Et en même temps, il aurait pu continuer avec son oncle. Mais alors malheureusement, on a fait des essais et puis ça ne grince pas. Et c'est peut-être ce qui le pousse à vouloir entreprendre des études d'architecte pour continuer. Elle est en troisième année de faculté de pharmacie. Je suis le premier garçon qui soit enfin, jamais sorti avec elle. Elle n'a jamais connu, enfin, je crois, connu d'autres garçons, mais je le crois. J'ai des raisons quand même de le croire. Et... Je vous dis, en tout point, c'est parfait. Mais il y a divers points de vue. D'abord, mon métier auquel je prépare ne m'enchante plus maintenant, vu que j'ai connu divers aspects. Puis deuxièmement, c'est pas tellement conciliable avec une pharmacie, puisque quand même, je crois qu'il serait possible qu'elle ait une pharmacie. Donc, c'est pas conciliable le rural avec l'urbain, c'est pas possible. Puis troisièmement, j'ai envie de rester supérieur, tout du moins dans la, si vous voulez, dans l'idée qu'on s'en fait, si on peut dire ça. Supérieur. C'est-à-dire de rester, vous voyez, géomètre, pharmacien, architecte, pharmacienne. Pharmacienne, oui. Géomètre, pharmacienne, et architecte, pharmacien. Je préfère demain. Non, C'est géomètre pharmacienne ou architecte pharmacienne. Oui. Et si vous voulez, j'ai quand même envie de... Je crois que moi, personnellement, j'ai une conception... Enfin, je me trompe sûrement. Enfin, j'en sais rien parce que j'ai pas vécu ça. Je crois que pour qu'un mariage aille bien, il faut quand même que l'homme garde un peu les rênes du couple. Et là-dessus, si je puis dire, je m'en réfère à ce que je vois chez moi. Remarquez, je ne lui en veux pas lorsqu'il dit qu'il veut faire un architecte. Il y a deux raisons. La première des raisons, comme il dit, il n'a pas été élevé à la campagne. Mais la deuxième raison qu'il ne dit pas, c'est qu'à la campagne, il n'y a pas beaucoup de plaisir. Tandis qu'à la ville, architecte, on ne peut pas s'installer dans un petit patelin de 2000 habitants. Quelle différence avec nous ? Ah bon ? Oh là là. Quelle différence ? Oh là là. Comment ça se passe ? Mon père n'aurait jamais permis que l'on rentre à minuit, quel que soit l'âge. Un peu raide, mais très bien. On s'en souvient. Maintenant, moi, j'ai été élevé dans une école beaucoup plus dure qu'eux. J'étais enfant de troupe. Jusqu'à 18 ans. Et quelle était votre profession ? Négociant. Je devais faire ma carrière militaire. Tous mes camarades d'école sont arrivés commandant-colonel. Tous. Je veux bien qu'ils ont eu deux guerres. Mais moi, je suis parti du régiment, dégoûté du régiment. J'ai vu trop d'injustices. Et je suis parti, j'avais exactement 20 ans et 7 mois. Négociant en quoi ? Un peu en tout. J'étais beurre, fromage homme d'affaires, en... alors. Beurre, fromage en gros. Biscuitier en gros, que ma fille continue. Ça marche très bien. Et j'ai créé un vignoble à l'âge de 70 ans. Oh, à proprement parler, mon métier, nous sommes, comment dirais-je, distributeurs en alimentation biscuiterie, également importateurs, exportateurs par accident. C'est voilà, un métier de commerce à un niveau assez élevé, c'est ça ? Oui. Assez élevé. Vous n'avez pas l'intention d'entraîner un de vos enfants dans ce circuit ? Non, je ne pense pas. Mais parce qu'eux ne l'ont pas, cet avis ou... Non, d'abord, ça leur, le fils fait un travail de géomètre architecte. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux pour lui. Quant à la fille, elle n'a aucun goût pour le commerce. Pourtant, il faut bien dire que ce sont des métiers qui sont plus lucratifs en général que des métiers plus intellectuels du style géomètre. Oui, vous n'êtes mais... pas attiré par le fait de donner une certaine sécurité à vos enfants sur le plan matériel. Je voudrais bien. D'abord, je pense que l'avenir est plein d'impondérables, surtout dans cette sorte de travail. Il faut quand même beaucoup travailler, il faut donner beaucoup de soi-même. Et puis... Je ne sais pas, dans notre sorte de travail, évidemment, il y a plein d'éléments qui rentrent, ça change constamment. S'il faut suivre, si on ne suit pas, s'arrêter seulement, je ne sais pas moi, 2 ou 3 mois, et pour reprendre le cours du travail, je ne peux pas dire que c'est impossible, mais c'est beaucoup. J'ai l'impression, enfin, à travers vos paroles, on a l'impression que c'est dur ce que vous faites. Enfin, je veux dire que c'est un métier difficile, enfin. Difficile parce que je suis pas suffisamment aidée et comprise. Personnellement, puisque je suis libre d'exprimer ce que je vous dis, j'assume beaucoup de responsabilités et c'est quelquefois très lourd. Il faut prendre des responsabilités et les bonnes, les mauvaises, on les supporte. Bon, dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, je dormais pas. Et je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour les faire travailler ? Vous avez l'impression qu'ils ne travaillent pas assez ? Pas suffisamment. Et non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Bon, d'abord, Patrick. Bon, il a été reçu, bien entendu. 23 ans. Il a été reçu, d'accord, mais il a été repêché. Il a été repêché à son examen... Pas de sortie de l'école, mais de l'année d'école. Il aurait pu être reçu la première fois. Quant à l'autre, la jeune fille, elle a 20 ans, mais elle n'aura pas son bac cette année, monsieur. Elle ne l'aura pas. Ou alors, c'est un miracle. C'est-à-dire que moi, je me contente pas de peu, quand même. Mais enfin, il y a 20 moments, on en demande quand même. Alors, ça, c'est assez désagréable. Justement, moi, je sais pas, j'avais lancé l'idée de nous fixer à mon frère et moi un budget par mois. Et puis, se débrouiller comme ça, vous voyez ? Comme si on n'aurait pas à demander sans arrêt, et puis il faudrait qu'on se débrouille. Si nous arrivait un pépin ou quoi, ça serait de notre faute, c'est-à-dire, ce serait à nous de nous arranger. Puis je crois que j'ai l'impression qu'elle a accepté. Alors, on va voir, parce que ça va être mis en vigueur bientôt. Mais enfin, j'ai pas tellement de problèmes de ce côté-là. Je crois que mon frère en a plus. Bon, l'argent, c'est pas... J'en ai assez pour vivre bien. J'ai une voiture. Si j'y avais pas mes parents, j'aurais pas de voiture, y a pas de problème. Mais à côté de ça, je fais tout ce qu'il faut pour demeurer le plus indépendant possible. Par exemple, pendant mes grandes vacances, là, j'ai travaillé sur mes 3 mois et demi de vacances, j'ai travaillé 2 mois et demi en stage ou autre pour. J'avais des dettes. Une voiture anglaise qui m'avait coûté une fortune. J'avais des dettes, j'ai travaillé 2 mois et demi pour les payer et je continue à travailler, je donnais des leçons particulières ou autres pour avoir plus d'indépendance, pour ne pas être à demander un petit billet de 1000 si j'en ai besoin. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Là, il y a un problème d'argent. Là, il y a un problème, c'est l'argent. Oui, c'est l'indépendance ça. Liée à l'argent. Ah, l'argent. Il n'en ont jamais assez. C'est-à-dire que eux ne sont jamais contents, ne sont jamais satisfaits. Il suffira par exemple qu'une camarade ait une paire de bottes qui coûte 25 000 francs qu'on dise, dis donc, maman, je voudrais bien une paire de bottes. À ça, je répondrai, eh bien, écoute, une paire de bottes, tu peux t'en acheter une à moins de 25 000 francs. Ah, ben oui, mais je trouve pas la couleur qu'il faut. Bon, alors, en résumé, un jour, c'est une paire de bottes. Après, ça sera une blouse, un sac, enfin... Mais à chaque fois, vous payez quand même. Bien entendu. Bon. Si bien que maintenant, j'ai trouvé une formule, je leur donne tant par mois, ils se débrouillent. Ce temps la somme. Quel est le montant de ce temps? Eh bien, ça reste à déterminer. Évidemment, il faut qu'ils subviennent à leurs besoins. Bien sûr. Bon, entre 30 et 40 000, je trouve que c'est déjà pas mal. Et eux? Je ne leur ai pas dit. Regardez ceci. Si... vous travaillez bien cette année et que vous êtes reçu tout de suite. Qui a son examen de géomètre, qui au baccalauréat? Au bac, oui. Eh bien, vous allez opter pour ce que vous voudrez. Je vous donne 100 000 francs si vous êtes reçu, mais si vous n'êtes pas reçu, vous m'en donnez 1 000. Ou 200 000, vous m'en donnez 2 000. Ou 300 000... 3 000. Et jusqu'à 500 000, si vous n'êtes pas reçu, vous me donnerez 5 000. Vous êtes prêt à leur donner 500 000 francs? Je suis prêt à leur donner. Et leur maman est prête à leur donner les 5 000 francs de compensation? Oh, ben ça, ils débrouilleront. Ils me le donneront sur leurs économies, ça, je m'en fiche. Bon. C'est beau quand même. Et je leur dis ceci. Règlement dès la connaissance des résultats, de part et d'autre. Repêchage. Si l'un ou l'autre n'est pas reçu, mais repêché en septembre-octobre, il lui sera remis la somme qu'il m'aura versée, plus la moitié de la somme promise. Attendez, c'est pas terminé. Celui ou celle non reçu définitivement aura de très maigres étrennes. Puis-je vous demander ce que vous leur donnez habituellement comme étrenne, enfin 50 000 francs à Patrick, 25 000 à sa sœur. Donc, si je situe bien cette famille, ces jeunes, de toute façon, ne manquent pas de grand-chose. Enfin, ils manquent de rien. Ils en ont trop. La mère est beaucoup plus ferme que le père. Et vous? Eh bien, moi, je suis ferme, j'estime que je suis ferme. Il n'y a que moi qui les attrape. Ils avaient une routine, quoi. Pour eux, la vie, c'est une routine, quoi. Ils n'en sortent pas, quoi. Ils ont une route toute tracée. Alors, ils la vivent comme ça. Tous les matins, ils se lèvent à 7h, ils rentrent à midi, ils bouffent, ils repartent. Puis ils rentrent le samedi, ils ont un petit pavillon, ils partent à la cambrousse, puis... c'est cool comme ça, doucement, doucement. Puis ils ont rien vu, quoi. Alors, c'est ce qu'ils voulaient, quoi. Quand j'avais 15 ans, ils disaient, mais on est bien à la campagne, il devrait venir. Alors, j'y étais une fois, comme on fait peindre le grillage. J'ai dit, oh là là, faut plus que j'y retourne là. Bon. Alors, après, ils m'ont laissé le samedi dimanche chez moi. Puis, comme j'étais seul, alors, je commençais à faire des conneries, quoi. Des potes venaient chez moi, tout ça. Puis après, c'est de plus en plus insupportable de rester chez moi. J'avais l'habitude de rester seul. Puis, quand j'étais là, ben, je rentrais. puis à force, je suis parti. Quoi. C'est tout. Bon, au départ, c'est une question de sortie, quoi, parce qu'ils trouvent pas normal qu'on sorte tous les soirs. Puis vestimentaire, quoi. Puis la vie qu'ils mènent. Leur vie qu'ils mènent, ouais, c'est pas marrant, quoi. C'est... Parce qu'eux, ils sont mariés, ils trouvent que ça y est, leur vie est foutue. Quoi. Enfin, naturellement, on peut plus faire ce qu'on faisait avant, quoi, qu'on est marié. Des obligations, quoi, disons, quoi. C'est tout. Enfin, de là à vivre dans une tombe, quoi, parce que c'est presque une tombe, malgré tout, quoi. Parce qu'ils voient plus rien, ils connaissent plus rien, ils savent plus rien, quoi. Ils entendent plus rien, ils savent plus rien, quoi. Ils sont foutus, quoi. Au début de la semaine, ma belle-mère a marqué, bon, aujourd'hui, je fais des patates sautées, demain, je fais des patates sautées, après-demain, je fais du riz. Enfin, tout était su d'avance, quoi. C'était plat, quoi. Il n'y avait pas de rebondissement, c'était mortel, quoi. C'était emmerdant, tout simplement. Puis c'est ça, je m'ennuyais, quoi, tout simplement. Ah, puis ils sont jamais comme nous, quoi. On écoute un disque, ouais, qu'est-ce que c'est cette musique, là. On fait quelque chose, enfin, c'est jamais bien, quoi. Ouais, moi, de mon temps, on aimait une musette, comme Edouard le montre dans le film, d'ailleurs. C'est exactement ça, quoi. Moi, je sais que je bosse. Ben, les mecs, ils sont vachement contre, quoi. Ils aiment pas la guitare électrique, pourtant c'est vachement mélodieux. Ils trouvent que j'ai des cheveux longs, pourtant j'ai pas les cheveux longs. J'ai des cheveux bien, quoi. Quoi, pour l'époque. Quand t'es d'Antoine. Ben, justement. Enfin, eux, quoi, et puis ils réfléchissent pas comme nous, tout simplement, quoi, je sais pas. Mais... C'est tout ce qui vous sépare d'eux? En grosse partie, je crois, quoi. Ils voient pas la vie de la même façon que nous, quoi. Pour eux, la vie, c'est... Ils pensent qu'à l'avenir, quoi. Moi, je vois, je bosse dans le bâtiment, là. Il y a de l'avenir, là-dedans. Alors, ils pensent tous... Ouais, moi, je vais bosser un peu plus ce soir... Moi, quand arrive l'heure, j'ai envie de me sauver, mais comme c'est pas moi le chef, j'ai envie de rester avec eux. On va en faire un peu plus ce soir, comme ça, je serai bien vu. Puis peut-être que dans 10 ans, ben, je passerai P1, après je passerai P2, après P3. Alors c'est leur univers qu'ils sont P3. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis devenu, je suis P3 maintenant. Ils arrivent chez eux, ouais, machine, je suis P3 maintenant, attention, je suis quelqu'un. Alors après, une fois qu'ils sont P3, ils espèrent passer contre-maître. Alors quand ils sont contre-maître, ils se sentent plus. Ils ont un petit de chevaux, ils vont sur les chantiers, leur machin, ça va. Puis c'est tout, ça s'arrête là. Moi, c'est pas ça que je voudrais faire. Je voudrais être riche, quoi. Je sais pas, moi. Je voudrais pas être... C'est ça, pareil, nous, ce que vous voudriez. Je voudrais pas être étriqué comme eux, quoi. C'est tout. Ils roulent en deux chevaux. Moi, je voudrais rouler en Mercedes, moi, c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Moi, je trouve pas ça marrant, quoi, une vie comme ça. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous ne voudriez pas faire qu'ils font? Et qu'est-ce que vous voudriez faire qu'ils ne font pas? Ce que je voudrais pas faire, c'est des économies. Surtout difficilement, comme ça, un sou à un sou. Qu'est-ce que je voudrais faire? Bah, je sais pas. Je voudrais tout faire. Enfin, tout ce qui est bien, quoi. Je voudrais partir sur la Côte d'Azur. Je voudrais avoir une belle bagnole, une belle maison, me prendre de la gueule, vivre dans un milieu qui me plaît. Je sais pas, mais faire tout ce qui me plaît, quoi. Pas être contraint de faire quelque chose. Le matin, quand je me lève, c'est un supplice. Je me dis, oh là là, mon Dieu. Faut bien encore travailler. Puis je déteste ce boulot en plus. Oh là là là là là là, qu'est-ce que je vais faire encore toute la journée? Alors je compte. Je me souviens même des fois, je compte les minutes. Je dis il est 3h, bon 3h à 6h30, ça fait 3h30. Si vous êtes 3h18, 190 minutes encore. Merde, c'est encore long. Puis je compte que c'est. Alors je passe le temps en comptant les petits trucs. Quoi. Dites donc, méfiez-vous, hein. Vous comptez les minutes, eux ils comptaient je sais pas trop quoi là. Les sous. Les sous? Faites attention. Comptez pour compter. Enfant, vous êtes l'aube, et mon âme est la plaine, qui des plus douces fleurs embaume son haleine. Quand vous la respirez, mon âme est la forêt dont les sombres ramures s'emplissent pour vous de suaves murmures et de rayons dorés, car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies. Moi, je voudrais juste insister sur un point, puisque on a l'occasion de parler devant un micro, c'est que vous participez à cette gâterie. Non, ah non, ah non, non, non, non, non, non, je l'admets pas. Je l'admets pas. C'est pour les obliger à avoir un bon résultat. Il y a une nuance. Écoutez, c'est comme dans le rugby. Bon, si vous marquez un essai 3 points, mais si vous donnez un coup de pied tombé, vous marquez au-dessus du poteau 3 points, là, le résultat est le même, tout va bien. Mais il y a moins de glorioles à faire à drop que de marquer un essai. Alors là, qu'est-ce que vous voulez? Vous me direz, je les garde. Non, non. Mais ce que je ne saisis pas, nom d'un chien, c'est que ils n'ont qu'à travailler, ils sont certains d'arriver, ils sont au but, ils y touchent. On ne fait pas l'effort nécessaire. La vie n'est pas un match de rugby, monsieur. Oh, ça y ressemble beaucoup. Écoutez, vous me parlez de rugby, eh bien, il est éprouvé à la guerre 14-18 que tous les rugbyman s'étaient extrêmement bien comportés pendant la guerre. Et puis si j'accepte également qu'ils sortent, j'avoue de mon côté que je n'ai pas suffisamment de temps à leur consacrer pour m'occuper suffisamment d'eux. En aurait-il le désir que vous vous occupiez plus d'eux, votre avis? La fille peut-être, le garçon sûrement pas. La fille peut-être. C'est une des choses que, une fois j'ai sorti à ma mère et qui lui a pas plu, elle en a pleuré, m'a fait la tête pendant 15 jours. Je lui ai dit que elle n'avait pas été la mère que j'aurais aimé avoir. C'est vrai que c'est pas tellement possible à vrai dire. Bon, parce que je sais pas si c'est des préjugés qu'ils ont, mais enfin on peut pas vraiment discuter parce que tout de suite, moi je suis pas. J'ai pas assez d'arguments pour les défendre, si vous voulez, si vous voulez défendre mes idées. Je peux pas. Vous voyez, mes parents, enfin, surtout ma mère, elle parle et puis alors ça met un espèce de veto, on ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. Après, on est comme. Je sais pas. Enfin, des fois, je suis un peu ahurie par ce qu'elle me dit parce que je trouve ça tout à fait faux. Puis, on peut pas. Il n'y a pas tellement de discussion possible. Mais moi, je veux dire, j'étais très libre avec mes parents, m'ont laissé toujours. À partir de 15-16 ans, j'allais au bal de nuit, etc. On m'a laissé la liberté et j'en ai pas abusé. J'ai l'impression que mes enfants sont dans le même cas. Alors que maintenant, au fond, la liberté est plus grande que celle que j'avais il y a 30 ans. Mais au fond, pour le moment, ils n'ont pas beaucoup de grands problèmes. Hein, on leur assure le matériel, ils ont leurs études. Ma mère, je le comprends, elle est prise par son travail. Vous l'avez, elle travaille le matin à 8h, elle monte à 10h, elle redescend après dîner au bureau. Et le samedi et le dimanche, elle ne prend pas de chasse ni rien du tout, elle va travailler. Je comprends qu'elle l'a eu son mat d'entendre ça, mais si vous voulez, c'est. Il n'y a pas de dialogue chez nous. On est coincé devant la télévision à 7h30 du soir ou à 8h sur le dîner. On mange chacun et on entend des chutes et on parle parce qu'il y a une tierce personne qui veut écouter la télévision et qui n'entend pas. Et puis, leur repas se termine, moi j'ai du travail, je vais me coucher, dimanche soir, et c'est fini. Ils pensent trop à s'amuser. Et alors, la grande cause, c'est la télévision le soir. Je leur dis à maintes reprises, mes petits-enfants, vous avez des devoirs à faire, vous avez des leçons à apprendre. Tu m'as dit à l'un ou à l'autre que vous avez un examen demain. Eh bien, il ne faut pas être à la télévision à 10h30, 11h du soir. Et personne n'en parle. Vous voyez, un dîner, c'est... est-ce que le printemps a été servi? Le prix unique est un tel. On fait pas fraction du métier. Voilà. Parce que mon père et ma mère travaillent dans la même profession, donc c'est normal. Ils parlent de leur boulot. Nous, on est là. Ça nous regarde tout qu'on fait. On n'y connaît rien, donc on n'a pas à s'en mêler. Puis si on s'en mêle, on nous dit qu'on a, ça nous regarde pas. Alors, le seul dialogue qu'on peut avoir, c'est nous assure qu'on a. Vous devez savoir, on a des discussions parfois avec des amis qui sont excessivement intéressantes et qui se poursuivent très tard. Mais pas avec les parents. Non, jamais. C'est vrai, il y a quand même une chose curieuse. Mais mon père, vous avez dû le remarquer, il a peur du dialogue. J'avoue, après une bonne journée de travail, en commençant le matin à 6h et en finissant le soir, quelquefois à 20h, eh bien, on arrive et puis on se détend et on ne pense pas à tout ce qu'on devrait penser, peut-être. Les problèmes des enfants, là, je veux dire, dans l'ensemble, je les crois tous les deux, ils sont francs, ils expriment ce qu'ils pensent. Vous avez l'impression qu'ils vous disent ce qu'ils pensent? Oui. Alors oui, puisque au fond, je ne les rabroue pas, je ne les brime pas. Il n'y a pas de raison qu'ils se cachent. La seule fois où j'ai discuté avec mon père, ça s'est terminé par des cris et l'un ou l'autre s'en allait de la pièce. Ou alors, ce sont des discussions sportives. Là-dessus, on s'entend. Sinon, si on parle politique, ça dégénère en 30 secondes. Et si on parle d'autre chose, c'est en une minute. Alors, il n'y en a pas de dialogue. Et on n'a pas été habitué à se ronfler à ses parents. Ma sœur m'a parlé de son petit copain bien avant à moi. Et il a fallu que moi, je dise à ma mère, tu devrais parler à Nick, qui a un petit copain, qui te le présente, ça serait peut-être mieux, tout ça. Et ça s'est passé comme ça. Et c'est moi qui ai dit à ma mère, tu devrais lui dire à Annick qu'il va venir la chercher ce soir, qu'il vienne te voir, que tu lui parles. Sinon, je crois que jamais ma mère aurait dit à ma sœur de lui présenter. Elle a peur. Elle a peur de dire ça, elle a peur de... Pourquoi, d'après vous? Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ils ne se sont pas confiés l'un à l'autre. Pourtant, ma sœur est toujours restée là, mais... Ça s'est cantonné à des conversations banales. C'est pas... Je sais pas, c'est pas... C'est la vie de tous les jours qui est en jeu, mais pas le pourquoi. On cherche pas la cause des choses, mais on constate simplement. On sait par exemple que notre fille fréquente un jeune homme, etc., mais elle s'en est pas cachée. Et mon fils, il fréquente une arrière-petite cousine là, depuis pas mal d'années. Il s'en est pas caché non plus. Il n'a pas de raison. Puis attendu qu'on ne le serre pas, qu'on ne serre pas la vis, qu'on le laisse assez libre, c'est sûr. Ils sont assez libres. Enfin, je pense qu'ils n'en abusent pas. Et c'est pour ça qu'au fond, je ne freine pas. Mais moi, justement, je suis assez bien passé pour en parler. Parce que je sors depuis 6 ans bientôt avec une jeune fille. Que justement mes parents ne... Enfin, là il y a un problème, je crois comprendre. Je crois que c'est de ma mère que ça vient, parce que c'est une jalousie maternelle. Je crois, j'espère en tout cas que c'est ça, parce que c'est assez délicat, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ose pas en parler, ma mère me fait des allusions assez froides là-dessus, et pourtant je crois qu'elle l'aime bien. Parce qu'elle a toutes les qualités pour être aimée, parce qu'elle fait des études, elle est assez loin dans les études, elle est une famille très bien. Et un problème très délicat. Et j'en souffre personnellement parce que c'est très ennuyeux. Au lieu de dire je vais sortir avec une telle ce soir, de dire je sors, c'est embêtant. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Hier soir, je suis sorti, j'ai dit à ma mère, je ne rentre pas dîner. Je lui ai pas dit, je suis avec un tel, tiens, on va aller quelque part, comme j'aurais aimé dire. Je vais aller dîner quelque part, on ira au cinéma, et puis voilà. Je dis pas ça parce que ma mère me dira, tu te plais pas ici, etc. Me fera les grands cris, alors je préfère dire le moins possible et puis m'en aller. Alors, je crois plutôt que c'est de ma mère, c'est d'une... Si vous voulez, elle sent que je lui échappe, que je... derrière son tempérament un peu maîtresse-femme, elle a quand même une mère qui se cache, peut-être beaucoup plus intense qu'on ne le croit. Vous êtes parmi nous la colombe de l'arche. Vos pieds tendres et purs n'ont point l'âge où l'on marche. Vos ailes sont d'azur. Sans le comprendre encore, vous regardez le monde. Double virginité, corps où rien n'est immonde, âme où rien n'est impur. Il est si beau, l'enfant, avec son doux sourire, sa douce bonne foi. Je crois que l'amour, entre nous, je crois que c'est encore plus... J'ai l'impression que c'est... c'est plus important que les autres gens. Parce qu'on n'a pas eu ça. On n'a pas eu une mère attentive parce qu'il y a 5 gosses derrière, qui ne peut pas se permettre d'être gentille avec tout le monde. Et enfin, pour mon compte personnel, bien souvent, je me suis retrouvé avec une fille. C'est peut-être bête, c'est peut-être con, mais comme si j'étais dans les bras de ma mère. Quoi. Parce que je me sentais bien. Et j'ai l'impression que c'est encore plus fort que certaines autres personnes. Vous avez le sentiment, c'est ça. Moi, j'ai pas eu de tendresse ni de mon père ni de ma mère. Et comme j'ai pas eu ça, j'ai l'impression que quand je suis avec une fille, j'ai pas besoin de ça. C'est tout. Si, c'est vrai ce qu'il dit. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi tu rigoles? Enfin, je dis bien pour mon compte personnel, maintenant vous c'est un peu différent. Mais j'ai remarqué souvent avec des copains que je connais, c'est un peu ça aussi. Ouais, évidemment, à chaque fois on dit merde, je l'aime bien celle-là, puis ça me dit après, on dit après tout elle est toc, quoi, c'est tout. C'est bien souvent ça. Moi, l'affection que j'avais le plus c'était entre potes, quand on avait un ami c'était mieux qu'une gonzesse, c'était l'amitié, qu'on était comme des frangins. On passait dans le même lit, on était des potes, quoi, c'est tout. Les gonzesses, c'était secondaire, quoi. Pour moi, personnellement, moi, je suis pas comme Zim, quoi. Moi, je voyais pas ma mère, de toute façon. Moi, j'avais 6 ans. Moi, je me rappelle plus. Alors, une gonzesse, c'était une gonzesse. Je me soulageais, quoi, tout simplement. Puis voilà, quoi. C'était les potes, enfin, mon pote, quoi, qui primait, quoi. Le reste, je m'en foutais complètement. Et en dehors d'ici, mais c'est ce qui est bizarre, c'est que je sais très bien, je le connais quand même un petit peu. En dehors d'ici, je suis tout différent de ce que je suis. En pension, j'ai toujours, si on peut dire, été le chef de tout. J'étais le chef de bande, j'étais le chef d'équipe, j'étais capitaine dans toutes les équipes de sport qui puissent être, puisque j'ai fait tous les sports. Où je suis actuellement, à l'école où je suis président de la commission des sports, je suis capitaine de l'équipe de hand. J'aime commander, j'aime diriger. Et en dehors d'ici, je suis vraiment moi. J'ai remarqué, j'ai peut-être certains torts. Étant très occupée, j'ai pas le temps de les écouter. Alors, c'est peut-être de ma faute. C'est peut-être de ma faute. Que c'est possible. Mais alors... C'est bien gentil, mais si j'ai le temps de les écouter, ce sera pas mon travail qui ne sera pas fait. Si mon travail n'est pas fait, le personnel est là et puis il attend que je suis un petit peu comme un entonnoir, si vous voulez. J'ai beaucoup de choses où j'arrive des fois à être engorgé. Moi, je suis pas un grand penseur. Hein. Je suis plutôt un homme d'action. Je m'occupe du matériel, des chauffeurs, etc. L'année dernière, j'ai eu la rosette des odeurs. Bon. Remarquez, je n'ai pas été gâté, il y avait 46 ans que j'avais la Légion d'honneur. Mais je ne suis pas un quémandeur. J'ai l'esprit très droit et je n'aime pas quémander. Et bien entendu, tout le monde était content. Bon, mon Dieu, c'est parce qu'il y a un petit incident dans la vie. D'abord, je compte pas me marier tellement tôt quand même, parce que j'ai un caractère... C'est indépendant. Et puis, une fois mariée, je voudrais exercer un métier tout de même. Alors, me marier, par exemple, durant mes études, c'est d'un seul coup la précipité dans un groupe. Moi, je vois quelques exemples autour de moi de mariages qui ont échoué du fait que les premières années étaient trop dures. Il y avait un changement trop brusque. Alors, je veux pas gâcher une vie pour quelques années, je préfère attendre. D'autant plus qu'elle est très heureuse chez elle, qu'elle a tout ce qu'elle veut. Que moi, je suis pas tellement malheureux chez moi. Que si j'étais marié, j'aurais probablement pas une voiture pour me déplacer, que j'aurais sûrement beaucoup plus de difficultés. Vaut mieux que je finisse mes études comme ça. Enfin, peut-être pas les finir, mais enfin, en faire une majorité. Évidemment, mais ils comptent leurs sous. Moi, je compte les minutes pour me sauver, c'est tout. Parce qu'une fois que je suis dehors, ben, ma foi, ben, je suis mieux, quoi. Puis j'aime pas l'ambiance boulot, quoi. Ils raisonnent pas comme nous, je sais pas. Mais... ils voient pas comme nous, quoi, tout simplement. Ils voient pas comme nous, ils ont une autre vue de la vie, quoi. Pour eux, la vie, c'est la femme, les enfants, le boulot, quoi. C'est ce qui leur ressemble, quoi. Puis encore un boulot bien, quoi, je sais pas, moi, metteur en scène, un truc comme ça. Ou chanteur, ou je sais pas, moi, un milieu qui paye, quoi. Quoi, ça paye, quoi. Enfin, ça paye, quoi, ça frime, quoi, je veux dire, quoi, qui est bien, quoi. De quoi vous parlez, pardon? Ben, un métier de metteur en scène, ah, ou de chanteur, ou un truc comme ça, quoi, un truc, quoi, c'est vachement bien, tant il bosse dans le bâtiment, mettre un boulon ou filer une pelletée de sable, quoi, c'est quand même pas marrant, faut faire ce qu'il y a, quoi. C'est vrai. Moi, je déteste ça, mais... Là, non, pardon. Une question de boulot, je suis entièrement d'accord avec lui. Je suis tout point de vue. Et les parents? Ma question familiale, c'est pas tout à fait comme lui. Moi, mon père, il est parti, j'avais 5 ans. Je suis resté avec ma sœur et ma mère tout seul. Ma mère est tombée malade. Elle est morte, j'avais 14 ans. Alors j'ai revu mon père, ça faisait 9 ans après. Alors il a été obligé de nous reprendre. Et puis il vivait en ménage avec une femme en ce temps-là. Un mois après, il s'est remarié. J'étais obligé de vivre avec eux. Enfin, obligé. Alors je me suis sauvé plusieurs fois. J'étais ramené par le quart de flic, bien sûr. Et puis, je m'entendais pas avec cette femme, quoi. C'était elle qui me choquait. Puis déjà, mon père, c'est mon père parce qu'il a le même nom. Mais enfin, je considère pas comme mon père. Parce que pendant 9 ans, je l'ai pas vu. Il a pas envoyé un petit sous à la maison. Alors, ça... Puis un jour, je suis parti, ils m'ont pu retrouver. Bien entendu, je ne vous apprendrai rien. Ils connaissent toutes les vedettes, quelles qu'elles soient. Ils connaissent tous ceux du rugby, aussi bien du foot, du ski, et tout ce que vous voudrez. Alors, ils restent en extase devant eux tous. Mais que font-ils, eux? Ils devraient, dans leur partie, faire comme ceux qui font des sports et qui arrivent, tels Zazi, par exemple. Attends, mais je sais pas, enfin, je crois que. Enfin, je vais pas m'envoyer toute fleur, mais en fait, j'ai l'impression que je suis assez psychologue et je crois que je connais très bien mes parents. Vous savez, il y a des fois des réactions, je sais quelles réactions ils vont avoir. Mais vous y adhérez, alors, façon de voir. Vous n'êtes pas en révolte. Non, je me mets à leur place, vis-à-vis de moi, par exemple. Vous tenez compte de ce qu'ils pensent? Oui. Oui, bien sûr. Oui, quand même. Je crois avoir assez nettement les choses et considérer que... moi, j'ai une vie personnellement, d'étudiant par exemple, au-dessus des moyens que réellement ma famille a. Parce que je considère qu'il n'y a pas un grand nombre d'étudiants qui ont une voiture depuis l'âge de 18 ans... Qui ont des sorties, qui ont des sports d'hiver, on en revient là. Je considère qu'on a une vie d'étudiant bien. Privilégié, oui. Et que, justement, nos parents, quand on en parle, ont tendance à dire oui, on vous fait une vie trop belle et vous perdez le goût du travail. Alors, c'est pas vrai. Je vous assure, je refuse au moins deux soirs par semaine des conférences ou des réunions. Il y avait une réunion avant-hier à la fac de droit, j'y ai pas été, j'aurais aimé y aller, pour deux raisons, et surtout une qui m'empêche de sortir, surtout celle-là, c'est que j'ai pas envie que les relations avec mes parents d'un seul coup se brusquent, alors je refuse, parce que je préfère être là, ne rien faire, si vous voulez, rester à regarder la télévision ou monter tranquillement après me coucher, ou travailler, que de sortir, ça bute mes parents de me voir sortir. Ils comprennent pas que la vie d'étudiant, bah, ça peut comporter des... Ils comprennent pas qu'un soir, je sorte et ils croiront que c'est plaisir ou autre. Non, c'est... Donc, et vous sentez très dépendant. Hein. Enfin, je veux dire, de normalement. Mais non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'aime pas les histoires. J'ai envie que mon séjour ici, à la maison, se termine pas trop mal. Parce que je considère que mes parents me rendent une vie aisée, donc j'ai à leur rendre des contreparties. Puis deuxièmement, parce que j'ai toujours besoin de mes parents. Puis troisièmement, parce que, je vous dis, j'ai encore du travail, j'ai des préoccupations ailleurs et tout ça, et j'ai pas envie de... J'ai envie de mieux m'entendre. Je suis prêt à faire des concessions avec mes parents pourvu que je m'entende bien avec eux. Parce que c'est vraiment pas drôle de rentrer ici, de faire la gueule. Je préfère rentrer là, de dire bonjour tout le monde, ça va bien. D'en rester à des discussions banales, mais que ça aille bien. Parce que de toute façon, c'est pas moi qui les changerai maintenant. Je les laisse plutôt faire un peu ce qu'ils veulent. Hein ? Je, dans l'ensemble, tant que je vois qu'ils tournent bien, je n'essaye pas de les influencer. Parce qu'au fond... Je trouve que, comme ils sont dans l'ensemble, j'estime qu'ils sont pas mal. J'aurais pu avoir des enfants moins bien. Je dis pas qu'ils sont parfaits, mais enfin, la fille est honnête et franche, et le garçon aussi. Et... Vous êtes satisfait? Oui, oui. Je vous dis, dans l'ensemble, j'ai un caractère plutôt optimiste. Hein? Alors, je ne cherche pas à avoir la petite bête sur tout, etc. Comme par exemple mon beau-père qui trouve que les jeunes ont tous les défauts, etc. Non, je trouve quand même que par rapport à ce que aux autres enfants que je vois, ben, je les estime bien. Et je suis satisfait. Ils réussissent pas trop mal dans leurs études. Et dans la vie, ils sont francs, honnêtes. Ils ne cherchent pas à faire des vacheries aux autres. Non, je les trouve bien. Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime, frères, parents, amis, et mes ennemis même, dans le mal triomphant. De jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. Le Cercle de famille. C'était une émission d'Harold Portnoy. Assistant Jacques Devin. Réalisation Bernard Saxel. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 février 1967. Nous retrouverons le producteur Harold Portnoy demain à la même heure pour une émission au titre euphémique, La douceur du foyer. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan, réalisation Clotilde Pivin. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la page de l'émission.